du neuf, tu ne connais pas. Mais le son squatte le canapé, écoute et tu me connaîtras. 22 balais au compteur, un mec comme tant d'autres gratte la feuille pour remettre à sa vie. Intérieur et contour, je suis conteur de ma vie. Acteur et auteur, j'utilise mon faux air et ma vue pour décrire ce qui m'entoure. Je suis pas là pour vous plaire, ni pour le succès ou les euros. Je pose mon malaise sur paplard parce que son monde me prend plaire. Dans mon son, chante la terre, chante mon constat, mon combat. Une réalité pour les gens qui ne font que se mentir. Est-ce que je dois faire son spooter? Après, je compte bien m'enfuir. Loin des briques et des cœurs en pierre, découvrir la terre entière. L'instant, je fais l'inventaire de mon vécu sur la terre. Parce que j'arrive plus à me taire et je l'ouvrirai jusqu'à son commentaire. Je pense déjà à la fin de ma vie, une carotte testamentaire. Du temps gâché à perte de vue, des emballages alimentaires. Un système de malades, mais t'es obligé d'y entrer dans leurs combines et leurs salades pour la puissance de leur empire. Chaque jour, c'est de pire en pire. Ouf, tailleuse, regarde le monde. Y'en a tellement à écrire ici que je peux pas tout mettre sur mon skeu. Ce disque est un constat. Notre métro boulot dodo, y'a de quoi péter un boulon poteau. Mate la vie qu'on nous a construit. Ici, faut se lever de bonheur, travailler jusqu'à pas d'heure. L'argent ne fait pas le bonheur, mais si t'en as pas, tu galères. Si c'est pression constante, l'horloge fait monter la tension. Faire du bif quand les temps sont durs, c'est plus qu'un casse-tête. On gagne notre vie à la perdre. Les belles années, c'est fini. Les rêves partent en fumée, plus vite que les bédos de verre. Au début, Dieu créa la terre, tout était beau et vert. Puis l'homme foutu son bordel dans la folie des grandeurs. Maintenant, y'a plus que la pollution, que du superficiel. Des caniveaux et poubelles dégueulant la consommation. J'ai plus mon espace vital, je sens le pic, je gratte le papier. Sur le beat, je vide mon panier et je me forge un mental. Putain, il faut que je respire, que je crache ma haine à l'oral. Ma parole, écrire des paroles, c'est capital comme Paris. J'évacue mon mal-être en peura, je laisse parler la rétine. Chante le taf, la routine, parce qu'ils tueront mes parents. Chante que la terre tombe par rond, t'as qu'à mater par ta fenêtre. Dehors commence à s'empire, je chante la force est dans la tête. Les jeunes ne réfléchissent plus, ici tourne le vis. Des coups de tournevis, point regard travers comme la tour de Pise. Je chante mon présent, mon passé, chante qu'il faut que je me casse. Chante le monde est à moi comme AKH et Passy. Chante que je me mets à l'écart, cette jungle urbaine en temps de guerre. Que de la banalité, mate les clodos se font dans le décor. Trop de choses qui me blasent, argent, routine, zerme, trait, crime. Je lâche ma colère dans des phrases parce qu'il y a claque, je peux m'exprimer. Sur le beat, je viens m'exprimer, je sors le beat et j'écris mes valeurs, mes déprimes dans des textes que je fais rimer. Je parle pas de piste, de comprimé, de gang et de crimé. De ma vie, de ma routine et de ce monde, c'est combiné. C'est que gros, je viens m'exprimer, je sors le beat et j'écris mes valeurs, mes déprimes dans des textes que je fais rimer. Elle est pas avant de ma zig, moi, je rêve pas de journaliste ni d'atteindre des sommets. Mon peura, c'est pas du ciné. Sur le beat, je viens m'exprimer, je sors le beat et j'écris mes valeurs, mes déprimes dans des textes que je fais rimer. Je parle pas de piste, de comprimé, de gang et de crimé. De ma vie, de ma routine et de ce monde, c'est combiné. Que gros, je viens m'exprimer, je sors le bic et j'écris mes valeurs, mes déprimes dans des textes que je fais rimer. Elle est pas avant de ma zig, moi, je rêve pas de journaliste ni d'atteindre des sommets. Mon peura, c'est pas du ciné.